qui est le plus triste pour moi, en fait, c'est pas tellement la crise, mais c'est le fait que par rapport à mai 68 ou par rapport à... Je trouve que c'est hyper sage et très... C'est-à-dire que tout le monde se rend compte des problèmes et ça bouge pas beaucoup. Hard Times. Histoire orale de la Grande Dépression. De Stud Sterkel. Adaptation Mé Boada et Benoît Giros. J'ai l'impression qu'on a tous peur, mais qu'on soit vieux, jeune... Enfin, j'ai l'impression que c'est un état général... Juillet 2010. ...qui fait qu'on subit, en fait. Vanessa. On dit beaucoup que ça va pas, mais qu'on trouve pas de solution pour que ça aille mieux, et je trouve ça pire qu'une vraie crise qui peut arranger des choses, quoi. You know, 100 miles from Chicago, about 40 years ago, my mother's older brothers, whom I know well now, were out with little rifles, whether it be a shotgun or a Winchester bolt-action single-shot rifle. Hunting for food. Vous croyez qu'une dépression pourrait à nouveau frapper les États-Unis? La dépression, c'est quelque chose d'embarrassant. C'est une honte pour le système. En sortant du service civil, je me suis engagé dans la marine. Ça a été la plus belle expérience de ma vie. 3 repas magnifiques par jour et mes impôts payés, c'était la sécurité. Épisode 9, Amnésie. 1969. Avec mon magnétophone et mon micro, je pars à la rencontre de jeunes citoyens américains qui n'ont pas connu la Grande Dépression. Leur parole est nerveuse, hachée, resserrée, plus que celle des anciens. Ils donnent quelques formules toutes faites sur la crise de 29, peut-être trop lointaines déjà. Mais ce lointain n'est parfois qu'apparence. Et quand l'un d'entre eux confie au micro son rêve de descendre le Mississippi sur un radeau comme Tom Sawyer, c'est la mémoire de l'Amérique qui revit. Les occupations d'usines? Non, ça ne me dit rien. Qu'est-ce que c'était? Gregory est né à Flint en 1946 et a vécu l'essentiel de sa vie dans les environs. Mon grand-père a travaillé pour l'usine General Motors à Flint. J'avais un oncle qui travaillait pour Fisher Body et un autre pour Buick. Il parlait de son travail, mon grand-père. De la queue qu'il fallait faire pour avoir un travail. Il a travaillé dans l'automobile pendant 45 ans. Mais il n'a jamais mentionné les occupations d'usine. Ma grand-mère nous disait des trucs sur la dépression. Il y a 18 ans. Pour moi, c'était comme un conte de fées, une histoire qu'on raconte pour s'endormir. Ils nous disent tout le temps qu'on devrait être heureux d'avoir à manger tout ça. Son frère Roy a 16 ans. Parce que dans les années 30, il disait que les gens mouraient de faim et n'avaient pas de travail et tout. Les soupes populaires, ils nous en parlaient aussi. Ouais, il fallait faire la queue et attendre qu'on vous donne à manger. Et qu'on vous donne tout le reste. On n'en avait que quand il y en avait, sinon fallait faire ça. Elle disait qu'il fallait attendre longtemps. J'ai jamais vécu de dépression, alors ça m'inquiète pas vraiment. Bucky a 17 ans. Vu ce qu'ils disent, on n'aimerait pas vivre en ce temps-là. Justement, je vis pas en ce temps-là. En fait, on sait vraiment pas comment c'était. On a l'impression que c'était il y a très longtemps. Je me souviens d'une époque de ma vie où j'ai eu faim. Je vivais loin de la maison, je n'avais personne sur qui compter. Mes frères n'ont pas quitté la maison, ils sont toujours restés chez eux. En fait, c'est comme ces petites choses qu'on a chez soi. Où est le beurre? Il n'y a pas de beurre, t'as qu'à aller en acheter. Bah, à l'époque, c'était où est le beurre? Il n'y a pas de beurre, tu feras la queue jusqu'à ce qu'on t'en donne. Et c'était peut-être de la margarine. Aujourd'hui, t'as qu'à rentrer à la maison, t'asseoir, allumer la télé, aller à la cuisine, te servir un verre de lait ou autre chose, regarder un match de foot ou de baseball pendant des heures. Eux, ils pouvaient pas faire ça. S'ils avaient faim et qu'il y avait rien, il fallait qu'ils attendent. Mes parents disent, tu devrais être heureux et content qu'on ait tout ça. Les habits que tu portes, la nourriture que nous mangeons et tout ça. Ils nous ont parlé de ce dollar en argent qu'ils avaient. Quand ils n'avaient plus rien, ils allaient à la petite boutique au coin de la rue et ils demandaient pour un dollar de nourriture. Ils donnaient le dollar en argent, le gars le leur gardait, et quand ils avaient un dollar en monnaie, ils venaient le reprendre. Je pense que ce serait plus dur s'il y avait une dépression aujourd'hui. Je vois pas comment on s'en sortirait si ça nous arrivait à nouveau. Parce que... Il y a plein de choses qu'on considère comme acquises. Enfin, je veux dire, on voit les gens maintenant, ils ont tout. Difficile d'imaginer comment ils réagiraient s'ils avaient pas tout ça. Ils ont réussi et ils pensent qu'ils sont au-dessus de ça. Si tout se cassait la gueule maintenant, je pense que ce serait bien plus dur pour tout le monde. Chacun voudrait écraser l'autre, les gens sortiraient et ils s'entretueraient. Les gens ont plus que ce dont ils ont besoin, alors ils seraient prêts à écraser n'importe qui pour le garder. Les gens ont des voitures, des maisons, ils ont ceci et ils ont cela. C'est bien plus que ce dont ils ont besoin, mais ils croient qu'ils en ont besoin. Alors ils veulent le garder. Ce qu'ils possèdent, ça compte plus qu'une vie humaine. But then when they waked up to the fact that we were fighting for a good cause. It got so the farmers couldn't stand it anymore. They could see them. En 1929, il y a eu une grande crise économique dont tu as certainement entendu parler. Et cette crise, on l'a appelée la Grande Dépression. Je voudrais que tu me dises ce que ça t'évoque, ce mot de Grande Dépression. Ça m'évoque une maladie. Tu penses que c'est lié, la dépression et la dépression ? Oui, une perte de repères, de moyens, quelque chose qu'on maîtrise pas. Où allons-nous ? Qu'est-ce qui nous attend ? À l'époque où Carl Sandburg posait ses questions dans son célèbre poème, il partait du principe qu'il existe une mémoire tribale qui se transmet de génération en génération. C'était peut-être compté sans l'amnésie actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire, la dépression, pour moi ? Je sais pas. Je suis pas déprimé. Je peux aller boire un coup quand j'en ai envie. Une dépression, ce serait pour moi si je pouvais pas m'asseoir dans mon fauteuil avec une bière et la télé en face de moi. J'ai jamais beaucoup pensé à la dépression. Jusqu'à l'année dernière, quand je me suis rendu à Resurrection City. Marshall a 23 ans. Je crois que la première fois que les pauvres y ont fait une manifestation, les soldats ont évacué les gens et il y a eu beaucoup de bagarres. Il dirige une revue de presse pour des journaux underground. Non, la dépression, c'est quelque chose à quoi je pense pas. Je devrais sans doute. Ça fait pas partie de mon expérience. La dépression, c'est quelque chose d'embarrassant. C'est une honte pour le système. Tout à coup, les choses s'écroulent et plus rien ne marche. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre aujourd'hui. Mais... imaginez tout d'un coup ce système, pour des raisons qui ont à voir avec du papier, de la monnaie, des choses abstraites, s'effondrer. Pour beaucoup de jeunes, aujourd'hui, c'est une preuve de l'irrationalité de ce genre de système économique. Après tout, il y avait toutes ces usines. Et tous ces gens qui voulaient du travail, il y avait les machines. Et pourtant, rien ne marchait. Aujourd'hui, si nous avions de grands stocks de grains et qu'on les ouvrait pas immédiatement pour nourrir des gens affamés, ils prendraient des fusils et feraient en sorte qu'on les ouvre. Les gens sont persuadés qu'il existe un droit à la nourriture. Pourquoi il y a des gens qui meurent de faim quand il y a de la nourriture ? Je sais que beaucoup de gens ont réussi à survivre parmi mes contemporains. Je me demande s'ils se souviennent de leur souffrance, de leur honte. Je ne sais vraiment pas. La question qui sépare les générations porte sur ce qu'on appelle la valeur. La valeur du dollar. Pour votre génération, c'était du sang, de la sueur et des larmes. Tout ce qu'il fallait faire pour gagner un peu d'argent. Quand un groupe de jeunes a brûlé de l'argent à la bourse et jeté des billets par la fenêtre, ça a provoqué le chaos. Les gens se sont précipités sur les billets jetés sur le sol. Mais ces jeunes essayaient de dire quelque chose à propos de la valeur de l'argent. Tu peux brûler un Vietnamien avec du napalm. Tu peux massacrer les animaux. Mais le dollar, c'est sacré. On brûle pas un dollar. C'est même un crime fédéral. Ce culte du dollar est une idée véritablement aliénante. Les gens qui se sont suicidés en 1929 en ont été victimes. Tu peux recréer, au moins dans ton imagination, l'atmosphère de la Grande Dépression ? La peur. Elle a balayé le sentiment de sécurité dans lequel étaient les gens. C'était apparemment un faux sentiment de sécurité. La peur les a plus quittés depuis. La peur des communistes, la peur des gens vivant dans le péché, la peur des hippies, la peur. Je pense que c'est ce que les gens ont appris de la dépression. L'argent apporte la sécurité. C'est ça l'idée de départ. Mais il s'est avéré que c'était le contraire. Si vous avez une grande maison, ça veut dire que vous devez avoir peur. On peut vous cambrioler. Si vous avez un grand magasin, vous avez peur qu'il y ait une émeute et que tout soit pillé. En fait, l'argent apporte bien plus de peur que de sécurité. La peur est une émotion dont les gens ne parlent pas, mais elle se manifeste dans leur vie. Mes parents ont réussi en grande partie à la surmonter. Quand j'ai refusé mon incorporation, ils m'ont soutenu. Mais au début, quand j'ai participé aux manifestations, ils avaient peur que mon père perde son travail. Leur peur était presque palpable. Que je puisse faire quelque chose qui ruine mes chances de réussir économiquement quand ils n'avaient jamais pu le faire. Je ne peux pas imaginer une peur pareille sans la dépression. Ça a façonné leur vie et leur mentalité. J'ai l'impression que ça a été un temps de pur chaos, sans plus aucun repère. Les repères moraux et sociaux avaient été balayés. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas eu plus de violence? Quelle forme est-ce que cette violence a prise? Que s'est-il passé? Est-ce que c'est la politique du gouvernement ou la Seconde Guerre mondiale qui nous a sortis de la dépression? J'ai pas assez étudié cette période pour répondre. Le 1er novembre 1969, Marshall s'est suicidé. Chester et moi, on a décidé de descendre le Mississippi sur un radeau, inspiré bien sûr par Mark Twain. On construirait notre radeau et on le mettrait à l'eau à Joliet et on irait jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Mon père a cru qu'on blaguait. Il m'a dit que c'était impossible. J'ai appelé Chester et je lui ai demandé de venir. Reed est issu de la bourgeoisie de Chicago. Il est à l'université et travaille durant les mois d'été. Il a 19 ans. Au début, la conversation était légère. Quand mon père a vu que c'était sérieux, les larmes ont commencé à lui monter aux yeux et il a eu la gorge serrée. Il nous a raconté qu'il avait rêvé de faire ce genre de choses dans sa jeunesse, pendant la dépression. Il allait à l'école à Amherst et il n'avait pas d'argent et presque rien à manger. Et en disant ça, il était vraiment ému. Il a dit que ma mère et lui avaient dû serrer la ceinture au début de leur mariage. J'avais une chance qu'il n'avait jamais eue. Ce qui m'a ensuite paru bizarre, c'est quand il a dit que si je mettais un peu de fric de côté cette année, peut-être que l'été suivant, je pourrais aller en Europe. Une chose qu'il avait toujours voulu faire. Quand il parlait de la dépression, il était au bord des larmes. Et parlait-il souvent de ça, de la dépression? Non, justement, très rarement. C'est pour ça que ça a été surprenant. Et jamais en étant aussi ému. Il a dit « Voyons, Reed », comme si j'avais fait quelque chose de mal. C'est très rare qu'il me parle comme ça, comme si je l'avais gravement offensé. Et ce qui m'a frappé, c'est que c'était de rêve dont il parlait. C'est le mot qu'il a utilisé. Pour nous, c'était pas un rêve. Vous, les jeunes, vous avez des rêves, j'ai des rêves, moi et ma femme, on a eu des rêves qu'on n'a jamais réalisés. Mais le truc du Mississippi, pour lui, c'était pas le genre de rêve à avoir. Ça m'a stupéfié et un peu gêné. Il a réagi comme si nous prenions une décision contraire à tout ce qu'il avait voulu pour moi, alors qu'il s'agissait juste de descendre le Mississippi. Et c'est pas nous qui avons commencé à parler de la dépression. Nous, on parlait de notre radeau. C'est lui qui s'est mis à en parler. Il répétait, vous n'avez pas l'air de comprendre tout ce qu'on a fait. Vous méprisez la tradition américaine. On a répondu que justement, ce truc en radeau correspondait exactement à la tradition américaine. Il a dit, même si l'Amérique est dans la confusion, elle va mieux que de notre temps et je veux pas que tu oublies ça. Trop souvent, tu regardes ma génération et tu dis que nous n'avons rien fait. On a fait plein de trucs. C'était pas un souvenir, mais une blessure ouverte. Il parlait de la dépression comme si ça avait eu lieu la veille. On avait mis le doigt sur un point sensible. Son navire était arrivé à bon port et il voulait pas que notre ado fasse naufrage. Right now, we're gonna get together and give you a tune that we have a lot of requests for. It's our version of four. Moi, j'étais touché personnellement par ça, donc du coup, après, de manière économique, donc... C'est-à-dire que j'ai perdu de l'argent. T'avais investi de l'argent? J'avais des actions. Parce que j'ai un papa qui travaille dans tout ça, et du coup, à mes 18 ans, j'ai eu des trucs, j'ai reçu des choses, et du coup, j'ai décidé de les placer, et puis, bah, j'ai tout perdu. C'est bien, tant mieux. Mais c'est cool, du coup, il y a un truc où c'est à moi de réinventer tout ça. Enfin, d'époque. Ce que je possède, je suis très reconnaissant de l'avoir. Je n'ai jamais abordé la question de la dépression avec mes enfants. Pas une fois dans ma vie. Pourquoi est-ce que je devrais ? Ce que j'étais obligé de faire. Ce dont j'ai dû me passer. Je leur raconte pas, mais j'ai aucune raison de le faire. Ils n'ont pas besoin de savoir ce que ça a été. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la vie qu'ils ont. Et celle qu'ils pourront avoir. Et tout ce que je sais, c'est que mes enfants sont bien élevés. Lucky Gold est vendeur de voitures. Il a une maison en banlieue. Si je dis quelque chose à mes filles, elles répondent « Oui, père. » « Non, père. » Je sais toujours où sont mes enfants. Tout le temps. Et je m'inquiète pas qu'ils puissent devenir des beatniks. J'ai construit ma propre maison. J'ai aucun emprunt à rembourser. J'ai une fille qui va être diplômée de l'université. Elle n'a pas eu besoin de travailler pour faire ses études. À l'âge de 16 ans, je lui ai donné une voiture. Et quand elle aura son diplôme, je lui en donnerai une autre. Mon père est mort quand j'étais bébé. Je suis allé dans un orphelinat. Je suis resté là jusqu'à mes 17 ans. Quand je suis arrivé dans ce vaste monde, ma mère, qui essayait d'élever mes 6 frères et sœurs, n'avait pas de quoi nourrir une autre bouche. Alors je me suis engagé dans le Civilian Conservation Corps, le service civil. C'était en 1937. Je suis allé à Boise, dans l'Idaho, et on m'a rattaché aux gardes forestiers. J'ai passé 4 mois et demi à combattre les feux de forêt. J'ai vraiment aimé ça. On avait 3 vrais repas chaque jour, et ils pouvaient mettre ce qu'ils voulaient sur la table, manger, on était contents. Ils faisaient de vous un homme. Ah oui, parce qu'on apprenait que tous les hommes sont égaux. Personne n'était mieux qu'un autre au service civil. Il n'y a jamais eu de bagarre à cause de la question raciale. Oui, il y avait quelques gars de couleur avec nous. Ils s'occupaient de leurs affaires. Nous, on s'occupait des nôtres. En sortant du service civil, je me suis engagé dans la marine. Ça a été la plus belle expérience de ma vie. 3 repas magnifiques par jour et mes impôts payés, c'était la sécurité. Je m'en suis sorti. Je suis jamais allé en prison. J'ai jamais volé. Et tout ce que j'ai fait, c'est à moi que je le dois. Même s'il y avait des tas de gens assistés en ce temps-là, il n'y avait quasiment pas de manifestations. Dans les années 30, il y avait 100% de crimes de moins qu'aujourd'hui. Et si un gars veut travailler, il n'y a aucune raison qu'il soit pauvre. Il n'y a aucune raison d'être sale. De l'eau et du savon, il n'y a pas de crasse qui résiste à ça. On n'a jamais vu un gars blanc et libre manquer de quelque chose dans ce grand pays que sont les États-Unis. Arlen, Texas. Si je dis dépression, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Je sais pas, j'ai jamais entendu ce mot-là avant. T'as aucune idée de ce que ça peut vouloir dire? Peut-être quand on est tendu ou quelque chose comme ça. C'est la seule chose à laquelle ça me fait penser. Et est-ce que tu n'as jamais entendu parler d'une époque où des millions de gens n'avaient pas de travail, dans les années 30, bien avant que tu sois né? Ah si, j'en ai entendu parler. Ils n'avaient pas de quoi manger, pas d'argent. Ouais. Ils ne pouvaient même pas nourrir leurs enfants, ni les habiller. Les gens disent, c'était il y a longtemps, que les mineurs travaillaient vraiment dur pour quelques dollars et qu'on ne pouvait quasiment pas trouver de travail. Et surtout dans la ville où je suis né, les endroits comme ça. Et c'était encore dur pour nous quand on est arrivé là. J'avais 6 ans, et mon père et ma mère ils me disaient comme c'était dur de trouver un boulot par ici. C'est pour ça que j'ai essayé de faire venir papa en Virginie-Occidentale une fois que je me suis retrouvé. Roger a 14 ans. Il y a 8 ans, il a été emmené de Chicago en Virginie-Occidentale. Sa mère est morte. Son père, qu'il voit de temps en temps, vit quelque part dans la communauté Appalaches. S'il vit avec sa belle-sœur, sa vie se passe surtout dans les rues de la ville. Mais vous voyez, la vie n'était pas si dure quand on était là-bas. Alors moi, je disais à papa, « Allez, on retourne en Virginie-Occidentale !» Mais il disait, « Il n'y a pas de boulot pour nous là-bas. On n'aura pas de quoi vivre, il faut rester ici. » Et il disait, « Un jour, peut-être. Si on trouve facilement du boulot là-bas, peut-être on descendra. » C'est tellement dur. On dirait que tout le monde profite de nous. Vous voyez, J'avais jamais entendu le mot dépression avant. On disait juste que les temps étaient durs. Et c'est toujours pareil, hein, pour les gens de ce quartier, les temps sont toujours durs. Vous voyez cet immeuble complètement dévasté là-bas? Mais il n'y a pas un logement décent. Et bien la maison où je vis, bah, elle n'est pas vivable. Hein. Ces bâtiments sont pourris. Si on les abattait et qu'on en reconstruisait des neufs pour nous, ouais, là on pourrait vivre. On pourrait aller vivre en banlieue pour peut-être 50 ou 100 dollars. Mais non, mais on peut pas payer un loyer comme ça. Il faudrait qu'on ait des immeubles propres à 25 dollars la semaine. Pour ce qu'on paye maintenant, on devrait avoir des logements propres et tout ça. Hein. Pas ce qu'on a là. Non. Oh non, la vie est dure. Ah ouais, les temps sont durs. These people of the air, these children of the wind had a sense of where to go and how. How to go north, north by west north, till they came to one wooden pole, till they were home again. Carl Sandburg, from The People, yes, 1936. Les souvenirs s'ancrent dans les recoins les plus profonds de notre mémoire comme une rage de dents. Qu'aurait-il fallu pour que cela s'arrête? Jusqu'où? Jusqu'à quelle révolution? Jusqu'à quel chaos cela aurait-il pu aller si la guerre n'avait pas mis les gens au travail? Une autre dépression pourrait être un soulagement pour beaucoup de gens. Ils savent que notre prospérité est basée sur la guerre. Ce serait tellement mieux que la guerre. Prochain épisode avec Dorothy Day, rencontrée au siège de l'Union des travailleurs catholiques à New York, avec Judy, qui travaille dans les relations publiques, et avec le docteur Lewis Andreas, membre fondateur du premier centre médical de Chicago. Et tout à coup, un jour, le soleil est réapparu et il y a eu la guerre. Avec toutes sortes de gens fabriquant des avions, du napalm. Je me souviens d'une manifestation un jour sur l'avenue Michigan. La prospérité vient de la guerre. On était en 1934. Je déteste ça. Je déteste tout ce qui se rapporte à ça. Une manifestation de chômeurs. Silencieuse. Des gens comme moi n'existeraient certainement pas si nous n'étions pas dans une société prospère. Personne ne disait rien. Juste une masse de gens qui descendaient la rue. Dans leur esprit, je crois qu'ils avaient atteint une étape limite. On ne se laissera plus faire. Je m'en souviens surtout à cause du silence. Hard Times. Histoire orale de la Grande Dépression. De Stud Sterkel. Adaptation Méboada et Benoît Giros. Avec Jackie Berroyer, Stud Sterkel, Guillaume Marquet, Marshall, Deborah Maric, Lily, Igor Mendiski, Roy, Johan Lopez, Bucky, Anthony Boulonnet, Gregory, David Oury, Reed, Martin Amic, Chester, Benoît Di Marco, Blackie Gold, Henri-David Cohen, Roger, et les voix de Yves Gerbollet, Emmanuel Riva, May Boada, Jean-François Perrier et Chloé Becker. Bruitage, Sophie Bissens. Équipe de réalisation, Catherine Déreté, Jean-Benoît Tétu, Annabelle Brouard, Marguerite Gâteau. Hard Times est publié aux éditions Amsterdam dans une traduction de Christophe Jacquet.